Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, retour sur la nuit parisienne et dramatique du 13 novembre 2015. On pourrait dire juste 13 novembre, un peu comme les Américains parlent du 11 septembre. Pas besoin de préciser l'année, il y a des jours où le destin d'un pays bascule, un jour précis, un moment figé, de tout à chacun peut dire ce qu'il faisait ce soir-là, à ce moment-là. Le 21 octobre dernier, les 5 juges d'instruction chargés de l'enquête sur les attaques à Paris annonçaient la fin de leurs investigations. 14 personnes, dont 11 en détention provisoire, ont été mises en examen. Parmi elles, le français Salah Abdeslam, seul survivant des 3 commandos qui ont frappé Paris et Saint-Denis également, Stade de France. 4 ans après cette nuit terrible, Sarah Guibaudot, journaliste au service Enquête Justice de France Inter, a réalisé pour France Inter une enquête longue et fouillée sur le parcours des terroristes et de leurs commanditaires. Ce travail se traduit par 9 podcasts originaux en ligne depuis ce matin. Sarah Guibaudot est notre invitée aujourd'hui. Pour la partie récit, nous allons donc vous raconter la soirée et la nuit de ces événements, heure par heure, et rappeler les noms de certaines des 131 victimes, des survivants et des héros de ce moment si particulier de notre histoire que le président de la République à l'époque avait défini avec des mots si justes et si forts dans leur simplicité. François Hollande avait dit « c'est une horreur ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Nguyen. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Novembre 2015. En début de soirée, une douceur printanière surprend la capitale. Et de nouveau, les oiseaux de nuit envahissent les rues. Sur les berges du canal Saint-Martin, les fauchés, les étudiants investissent les quais. Les immeubles ont les fenêtres ouvertes. Il fait tellement doux. Théâtre, ciné, resto, café, tout est complet. Comme le comptait Hemingway, Paris est une fête en ce vendredi soir. Au Bataclan, un groupe de rock californien, Eagles of Death Metal, est à l'affiche. Parmi leurs fans, Mathias et Marie, deux amoureux de lycée qui ne se sont jamais quittés. Deux provinciaux qui viennent de s'installer à Paris. Le concert, c'est leur idée. Dès leur entrée, ils se faufilent au milieu de la fosse. Vers 21h, la salle s'éteint, la scène s'éclaire, premier riff, premiers applaudissements. Ce soir-là, Paris chante, Paris danse. À quelques kilomètres de là, au 92 rue de Charonne, à la Belle Équipe, on danse également. Avec une semaine de retard, Oda fête ses 35 ans. Ce café de quartier n'a jamais aussi bien porté son nom. Toute la Belle Équipe est là, les amis, les compagnons, les collègues, comme Miquel Gil Ramirez. Originaire de Mexico, cette jeune femme travaille en France depuis quelques années. Ancienne manager du Café des Anges, elle a pris sa soirée pour fêter son ami Oda et ses fiançailles annoncées 2 semaines plus tôt. Derrière le comptoir se tient Greg, le patron. Jamila, la mère de sa fille, est dehors, déjà attablée en terrasse. Ce soir-là, Paris s'amuse, Paris s'aime. En bas du faubourg du Temple, de son appartement, Audrey entend les bruits de la ville. C'est beau une ville la nuit, un arrondissement de Paris finalement, c'est comme un village. Les façades proches, les unes des autres, on entend tout, on voit tout, les passants, les fêtards. Les amants. En bas dans la rue, Nicolas s'installe avec une amie, Lucie, à une table d'un café-brasserie, la Bonne Bière. Un peu plus haut, dans le quartier, à l'angle des rues Bichat et Alibert, même ambiance, même affluence. Pour avoir une table au restaurant, le Petit Cambodge, il faut patienter. Au Carillon, le café d'en face, même problème. Même si la terrasse s'est allongée, les places sont rares. Parmi les chanceux, Charlotte et sa sœur jumelle, Émilie, elles boivent, parlent, trinquent avec 2 amis, Amine et sa compagne Maya. À une autre table, Aurélie boit un verre avec deux amis, Anna et Marion. Ce soir-là, Paris trinque. Paris refait le monde. À l'intérieur du carillon, certains regardent la télé d'un œil plus ou moins discret. Parce que ce soir, c'est soir de foot. Au Stade de France, les Bleus affrontent l'Allemagne. En tribune, le président Hollande est là, ambiance des grands soirs. À l'extérieur, les retardataires passent les portiques. Les accompagnateurs, eux, attendent. Manuel Diaz, un chauffeur de bus de la banlieue rémoise, connaît bien le stade. Il a ses habitudes. Après avoir convoyé les supporters, il mange souvent un bout, puis rejoint son véhicule afin d'écouter la rencontre à la radio. Avant, dans une autre vie, il travaillait dans la sidérurgie au sein d'une filiale de Saint-Gobain. Originaire du Portugal, enfant, il avait rejoint la France. Ce 13 novembre, à 21h17, il est la première victime de l'attaque terroriste, soufflée par l'explosion du premier kamikaze. Manuel avait 63 ans, deux enfants. À 21h20, un second kamikaze explose et résonne jusque dans le stade. Ce soir-là, Paris tremble, Paris pleure. Au même moment, dans le 10e arrondissement, une Seat noire aux vitres teintées s'approche de la rue Alibert. À 21h25, trois hommes en sortent. Kalachnikov en main, ils tirent sur les deux terrasses du carillon et du petit Cambodge, puis s'en vont. 116 cartouches seront retrouvées. Une minute plus tard, l'alerte est donnée par une équipe de pompiers qui se trouvait là, en intervention, au franc-prix de la rue. Le véhicule de secours estime 133 par entier, je demande le déclenchement du plan rouge. Rue Alibert, angle rue Bichat. Bilan inconnu. Est-ce reçu parler ? La Seat noire poursuit sa macabre traversée de Paris. Au bout de la rue Bichat, elle redescend vers le faubourg du Temple, puis s'arrête de nouveau au croisement avec la rue de la Fontaine-au-Roi. Les trois hommes sortent et tirent. Leur cible, le café La Bonne Bière et la pizzeria Casa Nostra. Nouveau mort, nouveau blessé. Parmi les victimes, Nicolas et son amie Lucie, 37 ans tous les deux. Il était professeur de yoga, elle était graphiste. Au Stade de France, on apporte un message à François Hollande. Monsieur le Président, le cuic a sauté. Discrètement, le chef de l'État se lève et rejoint le PC de sécurité au stade. À 21h36, il est au téléphone avec le ministre de l'Intérieur. 10 mois après Charlie, ce que le pouvoir redouté prend forme. La capitale de la France est une citadelle assiégée. À Paris, la Seat file toujours. Rue de la Fontaine-au-Roi, avenue Parmentier, rue Richard Lenoir, rue de Charonne. C'est dans cette rue, vers le 107. Carmet, un chauffeur de VTC, est témoin de la troisième fusillade. Ça tire, je crois. Ça tire, ouais. Ouais, ça tire. Hein. Enfin, après, le crève pas à venir. Ça tire. Hein. Ça tire, bon. Ça tire, recule, recule, recule, recule. Qu'est-ce qui tire ? C'est un attentat, je crois. La belle équipe est à terre. 129 balles de Kalachnikov tirées, 55 impacts dénombrés. Les terroristes sont entrés à l'intérieur. Ils ont pris leur temps, avec méthode. Ils ont assassiné 19 personnes, dont Romain, Hyacinthe, Ludovic, Cyprien, mais aussi Oda et sa sœur, deux Tunisiennes de 35 et 37 ans, tuées sur une terrasse parisienne par les balles de terroristes, un soir d'anniversaire. Micheli, leur amie mexicaine, meurt aussi. À l'autre bout du monde, un amoureux apprendra bientôt que sa fiancée n'est plus. Grégory, le patron du lieu, pleure, lui, sa compagne, Jamila. Elle avait 41 ans. Greg devient veuf. Tess, leur fille, orpheline. Quelques minutes plus tard, près de la place de la Nation, comptoir Voltaire, les clients sont projetés par une explosion. L'un des trois terroristes du commando des terrasses vient de se faire exploser. Dans ce suicide à l'explosif, il blesse une quinzaine de personnes, mais n'en tue aucune. Ses deux complices prennent la fuite à pied, et en métro, ils passeront la nuit terrés dans un talus près d'Aubervilliers comme des rats. En moins de 20 minutes, à 3, ils ont tué 36 personnes. Dans chaque lieu, en attendant les secours, la survie s'organise. Garrot, point de pression, mot d'encouragement. On tient une main, on ferme des yeux. Les premiers passants qui arrivent sur les lieux restent sans voix, hébétés face à ces corps et ces blessés, comme devant le petit Cambodge et le Carillon. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un attentat. Comment ça s'est passé ? Il y a des gens qui étaient dans le restaurant, des gens dans la rue, il y a quelqu'un qui est arrivé avec une mitraillette et qui a commencé à tirer sur tout le monde. Aurélie est à terre, le corps meurtri. Des éclats gris, durs et métalliques recouvrent son corps. Son crâne saigne, une balle l'a traversé. Mais elle vit. Alain et Marion, ses deux amies sœurs, revenaient des toilettes, fauchées, elles aussi par la mitraille. Rien ne pourra les sauver. Elles avaient 24 et 27 ans. Des sœurs, des frères, Paris en a perdu des dizaines ce soir-là. Les jumelles, Émilie et Charlotte, meurent aussi rue Pichat à 29 ans. Maya, elle, est blessée grièvement aux jambes. Amine, son mari, ne survit pas. Et ce n'est pas fini. L'horreur se poursuit à quelques centaines de mètres de là, au Bataclan, vers 21h40. Trois individus descendent d'une polo et ouvrent le feu devant la salle de spectacle. Didi, le responsable de la sécurité, est dehors, mais il comprend tout de suite. Alors, sans réfléchir, il entre dans la salle de spectacle afin de prévenir les spectateurs et ses collègues. L'un d'eux monte à l'étage ouvrir l'issue de secours. Lui se charge de celle qui se trouve près des toilettes. Derrière eux, les trois hommes entrent. Trois assaillants tirent. Les spectateurs installés près du bar tombent les premiers. Puis c'est la fosse qui est visée. Des dizaines de personnes sont fauchées les unes après les autres. Grâce aux vigiles, des premières personnes arrivent à quitter l'enfer par les issues de secours. Sain et sauf, Didi l'est aussi. Et pourtant, il retourne dans la salle et se jette dans la fosse. Il veut ouvrir la dernière issue de secours. À côté de lui, des gens tremblent, pleurent, se cachent sous d'autres corps. Alors, les terroristes tirent dès qu'un téléphone sonne, dès qu'une personne parle. À la première recharge, Didi tente sa chance. Il se lève, des dizaines le suivent, certains tombent, d'autres s'échappent. L'issue de secours s'ouvre. L'écho des balles résonne désormais dans la rue du passage Saint-Pierre-Amelot. De son appartement, Daniel Pseny, un journaliste du Monde, a l'habitude des sorties de concerts bruyantes. Mais là, quelque chose cloche. Des pétards, peut-être. Alors il va avoir le cœur net, il s'avance à sa fenêtre, puis filme. Ce qu'il voit est insoutenable, une foule qui court, des prénoms qu'on hurle. De part et d'autre de la rue, les gens traînent des corps à bout de bras. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Devant la sortie de secours, on voit des gens agoniser. Image épouvantable, image de guerre, car c'est une guerre sans déclaration contre des civils désarmés. C'est la guerre des lâches, le bal des assassins. L'un des blessés semble sortir son portable. Un appel à l'aide, un adieu, qui sait. Au-dessus de lui, une femme, les jambes dans le vide, est accrochée à une rambarde. S'il vous plaît, je suis enceinte. S'il vous plaît, je suis enceinte. droite de cette jeune femme enceinte, caché lui aussi dehors, derrière une fenêtre de premier étage, il y a Sébastien, un jeune homme qui vient de la ville d'Arles. Après les premiers tirs, il a grimpé sur la scène. Il s'est caché derrière un rideau, puis il est monté par les escaliers. Sans issue, il a ouvert une fenêtre et il s'est suspendu. Malgré les risques, il entre de nouveau et sauve la jeune femme de la chute. Puis elle s'enfuit. Sébastien, lui, se cache de nouveau à la fenêtre. Vers 22h, alors qu'un troisième kamikaze a explosé aux alentours du Stade de France, des premiers policiers débarquent au Bataclan. Ils ont été alertés par radio 10 minutes plus tôt. Ils sont deux de la BAC, un commissaire et un brigadier. Aucun n'est équipé à la mesure des événements. Selon la procédure, leur mission devrait se limiter à sécuriser la zone. Pourtant, ils pénètrent dans la salle par l'entrée principale. Près du bar, ils voient l'un des terroristes tenir en joue un otage. À 20 mètres, il tire à 6 reprises. L'assaillant tombe, il lève légèrement la tête, puis actionne son gilet explosif. Aucun otage n'est touché. À la radio, les deux policiers annoncent la neutralisation du premier terroriste. À l'étage, après avoir tiré sur les policiers, les deux derniers djihadistes décident de se réfugier dans un couloir avec une dizaine d'otages, dont Sébastien qui a été repéré à la fenêtre. Durant ce tête-à-tête, les terroristes parlent. « Vous entendez des cris, la souffrance ?» disent-ils. « Eh bien, c'est pour vous faire ressentir la peur que les gens subissent chaque jour en Syrie. » Voilà, c'est la guerre. Et ce n'est que le début. Dehors, les portes des immeubles du passage Amelot s'ouvrent, dont celle de Daniel Pseny. Dès qu'il a compris, le journaliste du Monde est descendu dans la rue. En secourant un blessé, il s'est pris une balle dans le bras gauche. Des voisins sont venus l'aider. Alors ensemble, ils ont transporté le blessé dans un appartement. Il s'appelle Matthew, c'est un Américain en séjour à Paris depuis juillet. Sur le divan, livide, il vomit sans cesse. Le sang gicle, aucun secours ne peut venir. Il faut attendre la sécurisation de la zone. À la télévision, sur les radios, sur le web, les éditions spéciales s'enchaînent. ITL est la première chaîne à annoncer l'explosion au Stade de France. 10 minutes plus tard, à 21h47, BFM envoie en premier une alerte via son application. Il est question de plusieurs fusillades dans Paris. Minute après minute, les premiers témoignages surgissent. Et à 22h51, on raconte sur France Info ce qu'on vient de vivre. Louis raconte sur cette radio ce qu'il vient de voir et vivre au Bataclan. J'étais au concert avec ma mère. Nous on a réussi à s'enfuir du Bataclan. Je sais pas du tout ce qui se passe là-bas. Je pourrais pas vous dire ce qui se passe. Vous étiez à l'intérieur de la salle. Ouais, on était qu'est-ce au Bataclan. Qui s'est passé précisément? On est en plein concert. Il y a des mecs qui sont arrivés. Ils ont commencé à tirer au niveau de l'entrée. Et en fait, ils ont tiré en plein dans la foule en criant à la voix de barre avec des fusils à pompe, je crois, parce que j'en étais en train de charger. Et du coup, après tout le monde s'est, le concert s'est arrêté. Tout le monde s'est couché à terre et continue à tirer sur les gens. Et là, putain, c'est un enfer. Il s'est couché au sol et à un moment, il y a quelqu'un qui a dit ils sont partis, donc du coup, on a réussi à courir. On s'est enfui par une issue de secours du côté du Bataclan. Il y avait encore des coups de feu et voilà, j'ai juste fait en sorte de survivre avec ma mère. Je voulais juste que ma mère soit là. Est-ce que des personnes se trouvent encore en ce moment dans la salle du Bataclan? Il me semble que oui, je sais pas, je peux pas vous dire, je pense que oui. Je sais pas, nous quand on est partis, on a enjambé des corps, vous comprenez. C'est un cauchemar. À 23h01, sur France 3, c'est Adrien qui témoigne de ce qu'il a vécu dans le 10e arrondissement, aux abords du Carillon et du Petit Cambodge. Une voiture noire de style Renault Clio 4, mais noire, vitre teintée, donc 4 places, et 3 hommes donc qui sont sortis de la voiture, cagoulés, habillés en noir, et ils avaient des ils avaient pas apparemment des petits pistolets, parce que c'était des grandes armes style, comme on pourrait voir les Kalachnikovs, à tirer vraiment très très fort pendant 10 grosses minutes, quoi. Et moi, je me suis couché à plat ventre sous une voiture pour me protéger, parce que tellement la puissance de feu, j'ai vu des corps allongés et des mares de sang, c'est un carnage. Les informations sont pour l'heure limitées. On parle d'une explosion à Saint-Denis, d'une fusillade rue Alibert et d'une prise d'otage au Bataclan. Les autres lieux de l'attaque ne sont pas cités. À 23h21, sur France Info, le présentateur découvre en direct, par le témoignage d'Audrey, l'attaque à la Bonne Bière et à la pizzeria Casa Nostra. Après le petit Cambodge, en fait, ils sont descendus la rue qui est la rue du Faubourg du Temple, et ça se trouve, le café se trouve à l'angle de la rue du Faubourg du Temple et de la Fleury-Méricourt, et on a entendu des bruits comme de pétards, et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas des bruits de pétards, mais que c'était des gens qui tiraient dans la rue, dans des voitures. Vous habitez dans le quartier? Oui, tout à fait, on habite en face du café. C'est un café où on va régulièrement et on a vu des gens se faire tirer dessus. Donc la première chose qu'on a fait, c'est descendre pour voir un peu ce qui se passait et pour voir si on pouvait apporter de l'aide. On n'a pas tout de suite compris que c'était des coups de d'armes. Et on est descendu et voilà, là c'est la guerre en fait. C'est la guerre en bas de chez nous. Je comprends pas comment c'est possible. Autour du Bataclan, le quartier est bouclé, évidemment. Selon les sources policières, les premiers membres de la BR sont arrivés vers 22h15. Depuis, l'heure est source de débat. En tout cas, dès leur arrivée, quand ils pénètrent dans la salle, ils découvrent des centaines de corps allongés. Une odeur insoutenable. Des gens qui murmurent, d'autres qui agonisent. Seuls les valides sont alors évacués. Dans le même temps, deux équipes montent à l'étage. À chaque porte ouverte, des civils paniqués s'échappent. À 23h15, le contact avec les terroristes est établi. Une discussion s'engage. Un numéro de téléphone est donné. Premiers échanges, premiers mots. Les deux terroristes parlent de la Syrie, menacent les policiers de tout faire exploser. Dehors, les secours n'arrivent pas à avancer. Alors, un hôpital de fortune s'organise dans une cour. On soigne avec rien, comme sur un champ de bataille. Le président, lui, a été évacué du Stade de France. Après une réunion d'urgence au ministère de l'Intérieur, il décide d'intervenir. À 23h50 précise, la voix voilée par l'émotion, François Hollande parle au français. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Nous savons d'où elle vient. Qui sont ces criminels? Qui sont ces terroristes? Nous devons, dans ces moments si difficiles, et j'ai une pensée pour les victimes, très nombreuses, pour leurs familles, pour les blessés, nous devons faire preuve de compassion et de solidarité. Mais nous devons également faire preuve d'unité et de sang-froid. Face à la terreur, la France doit être forte, elle doit être grande et les autorités de l'État fermes, nous le serons. Nous devons aussi appeler chacun à la responsabilité. Ce que les terroristes veulent, c'est nous faire peur, nous saisir d'effroi. Il y a effectivement de quoi avoir peur, il y a l'effroi, mais il y a face à l'effroi une nation qui sait se défendre, qui sait mobiliser ses forces et qui, une fois encore, saura vaincre les terroristes. Au Bataclan, les négociations n'avancent pas. L'assaut n'est plus qu'une question de minutes. À 20h, les membres de la BRI entrent en action. Précisément Une minute et 6 secondes, interminable. Une demi-douzaine de grenades sont lancées, ça tire de partout, les otages sont au sol. Un premier terroriste touché tombe. Sa ceinture explose, le second meurt dans la foulée. La prise d'otage est terminée. Aucun d'eux ne meurt pendant l'opération, un miracle. À l'intérieur du Bataclan, l'évacuation des derniers blessés se poursuit. Les policiers retrouvent des survivants cachés dans un faux plafond, mais dans la fosse. Ce sont des dizaines de corps sans vie que les familles tentent toujours de joindre. Pendant des heures, leurs téléphones n'ont cessé de vibrer, sonner, s'éclairer, des lignes ouvertes, des vies éteintes. Sur les réseaux sociaux, après l'annonce des attentats, des dizaines d'avis de recherche et d'appels à l'aide sont lancés. Parmi ces messages, un tweet de Clara R. à la recherche de son amie Marie. Il est 2h44. Nous recherchons Marie qui était au Bataclan. Nous n'avons pas de nouvelles. Si vous la voyez, contactez-moi. Puis un second, à 9h. Toujours sans nouvelles de Marie et de son ami Mathias avec qui elle était au Bataclan hier soir. Un troisième, à midi. Il est midi. Tous les hôpitaux de Paris ont été écumés. Mathias et Marie sont toujours introuvables. Hashtag recherche Paris. Ce tweet est accompagné d'un selfie. Mathias porte une casquette, Marie l'embrasse sur la joue, la vit devant soi. Jusqu'à ce 13 novembre. À 18h, le lendemain, Clara annonce la fin des recherches. La recherche est terminée. Je n'ai plus de mots, que des larmes. Marie et Mathias nous ont quittés tous les deux. Ils avaient 23 et 22 ans. Ils sont morts au Bataclan, comme 88 autres personnes ce soir-là. Sébastien, le jeune homme qui est venu au secours de la femme enceinte, est sauvé, tout comme cette femme qui a mis au monde depuis une petite fille. D'ailleurs, ils se sont revus, embrassés, remerciés. Didi, le videur du Bataclan, a été décoré et naturalisé français. Matthew, l'Américain secouru par le journaliste du Monde, Daniel Psenny, s'en est sorti également. Aurélie, la jeune fille criblée de balles, a subi de nombreuses opérations. Le projectile qui a traversé sa tête lui a défiguré le visage, mais elle est vivante. Dans une interview qu'elle donne au Monde, des mois plus tard, en 2016, elle parle de ses bourreaux ainsi. Il était jeune et avait un joli visage aux traits fins avec une barbe. Mais son regard et ses mains accrochées à cette arme, qu'il tenait canon en l'air, ne trompaient pas. 3 secondes plus tard, il s'est mis à tirer sur les gens. Il avait des éclairs verts, violets. Désormais, nous connaissons les noms des monstres. Ils étaient 10, dont 5 Français, 3 Belges, 2 Irakiens. 7 sont morts pendant l'attaque, 2 pendant leur traque. Seul Salah Abdeslam, le conducteur de la première équipe au Stade de France, est en vie et en prison, bien sûr. Son procès, celui de ses complices et des commanditaires de l'attaque, est attendu pour la fin de l'année 2021. Leur dernière victime se nomme Guillaume Valette. Il avait 33 ans. Rescapé du Bataclan, il s'est donné la mort le 9 novembre 2017. Il est la 131e victime de l'attaque terroriste la plus meurtrière perpétrée sur le sol français. Cœur qui bat, il y a ça. veux pas mourir ce soir. Je ne veux pas mourir. Il y a une fille qui penche une robe, des tennis blanches. Il y a un sentiment sur un terrain vaguement. Il y a une fille qui penche les deux mains dans les manches. Il y a une ville autour, il y a la fin du jour. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, 13 novembre 2015, les attentats de Paris, avec notre invitée Sarah Dubaudeau. Bonjour Sarah. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Je le rappelle aux auditeurs, faut-il le rappeler, mais enfin je le fais quand même, que vous, ils vous connaissent, que vous êtes journaliste au service enquête justice de France Inter, et que vous êtes l'auteur d'une série de 9 podcasts natifs intitulés 13 novembre, l'enquête, en ligne depuis ce matin, travail qui revient sur le parcours et l'histoire des terroristes qui ont participé à ces attaques du 13 novembre. Alors on connaît la méthode du podcast, hein, j'écoute ma radio quand je veux où je veux, mais il y a aussi les podcasts dits natifs, donc qui sont créés ici, qui sont originaux, comme un programme à part entière, et votre travail s'inscrit dans cette logique-là. Commençons par les jours, je vous précise qu'on va écouter 3 extraits hein, de ce travail de podcast. Commençons donc par les jours qui ont suivi cette attaque. Nous l'avons dit, 7 des terroristes sont morts pendant l'attaque. Les 3 kamikazes du Stade de France, l'un des terroristes du commando des terrasses et les 3 assaillants du Bataclan. Alors, que sait-on de leur fuite? Est-ce qu'ils avaient prévu une autre attaque? Une cavale? Alors, en tout cas, il manque 3 hommes à la fin de cette soirée-là. Il y a d'un côté Salah Abdeslam qui a déposé les 3 kamikazes du Stade de France et puis qui a pris la fuite. Et les 2 autres qui sont en fuite, ils ont mitraillé les terrasses parisiennes. Ce sont 2 hommes qui ont grandi en Belgique et qui ont passé plus de 2 ans en Syrie. Il y a Chaki Bakrou et Abdelhamid Abaoud. Abdelhamid Abaoud, c'est le chef des commandos soir-là. Il est décrit comme par les témoins comme s'étant acharné sur les blessés à terre. Il porte des baskets orange fluo et c'est le seul ce soir-là qui n'a pas de gilet explosif. Alors, est-ce qu'il n'avait pas prévu de mourir après les attentats du 13 novembre? En tout cas, il n'a pas prévu de solution de repli non plus. Il se retrouve dans ce talus, enfin le buisson conspiratif, comme on dit en langage judiciaire, enfin une espèce de broussaille à Aubervilliers, occupée d'habitude par des sans-abri. Ils ont vraiment plus de contact. Il est obligé de faire appel à une cousine qui va lui trouver une place chez un marchand de sommeil de Saint-Denis où il sera tué lors de l'assaut du raid quelques jours plus tard, le 18 novembre. Donc ça reste assez mystérieux et je repense effectivement aux mots qu'un magistrat m'avait dit. Finalement, ces attentats, c'est un mélange de préparation minutieuse et d'improvisation totale. Peut-être qu'il y avait cette logique de suicide djihadiste et que finalement, ils n'avaient pas prévu l'après, puisque peut-être que dans leur esprit, il n'y avait pas d'après. Alors, encore une fois, lui, il n'a pas de gilet explosif, Abdelhamid Abaoud. Et puis, on sait que lui, il veut commettre d'autres attentats après, puisqu'il y a ce fameux témoin, cette femme courageuse qui va mener les policiers jusqu'à la dernière planque à Saint-Denis. Et elle a bien entendu Abdelhamid Abaoud dire qu'il voulait attaquer la défense. Il a demandé d'ailleurs 2 costumes et des chaussures, sans doute pour se mêler au cadre de la défense et commettre un nouvel attentat là-bas. là-bas, sauf que dans sa fuite le soir du 13 novembre, il a abandonné sa voiture, les Kalachnikovs, il ne leur reste plus qu'un pistolet et un gilet explosif suivi de son complice, donc qui explosera le 18 novembre. Alors Salah Abdeslam est le plus connu, puisque il était arrêté, était-il juste un chauffeur ? Alors non, parce que lui, il a un gilet explosif. Donc voilà. C'est vrai qu'il a déposé les trois kamikazes au Stade de France. Ensuite, lui, il a abandonné sa voiture dans le nord du 18e arrondissement de Paris. Qu'est-ce qu'il devait faire ? On ne le sait toujours pas. Le communiqué de revendication qui sera diffusé le lendemain évoque un attentat dans le 18e arrondissement qui n'a pas eu lieu. Est-ce que c'était son rôle ? On ne sait pas. Rien ne montre qu'il s'est approché du Sacré-Cœur ou d'une cible potentielle. Par exemple, il a jeté son gilet explosif dans une poubelle et il a appelé des amis à l'aide. Donc l'instruction est en cours autour de lui. Il ne parle pas, ce monsieur ? Alors, depuis qu'il a été arrêté, donc 4 mois plus tard à Bruxelles, non, lui, il n'a quasiment rien dit. Il y en a d'autres qui ont un petit peu parlé et qui ont permis d'apprendre, par exemple, que après le 13 novembre, les derniers membres de la cellule qui étaient à Bruxelles étaient aussi en train de préparer d'autres attaques. Leur cible, d'après deux des mises en examen, c'était l'Euro 2016 de football. Bien, alors, quand même, ce Abdeslam, il réussit à quitter le territoire. Bon. On finit par lui mettre la main dessus, 4 mois après les faits, alors, c'est ça ? Alors il quitte le territoire, notamment qu'est-ce qui se passe ? Il arrive à quitter le territoire. Parce qu'il n'est pas recherché le lendemain, le 14 novembre, et ça c'est aussi un coup de malchance. Il a pourtant laissé son nom partout, il a loué les planques près de Paris, les voitures, et il a laissé un contrat de location à son nom dans la voiture devant le Bataclan. Mais quand il passe la frontière en milieu de matinée le lendemain matin, la voiture n'a pas encore été fouillée à fond, ou en tout cas l'information n'a pas été transmise. Donc il va rejoindre... Alors c'est vrai qu'on ne sait pas exactement non plus quelles sont ses motivations, parce que ce soir-là, il n'a pas appelé d'abord les commanditaires à Bruxelles. Il a commencé par appeler ses amis d'enfance, puis des cousins qu'il a dans la région parisienne, qui ne décrochent pas ou qui l'ont envoyé promener en lui disant « mais tu voudrais qu'on vienne te chercher à Paris, mais t'as pas vu ce qui se passe là, il y a des attentats ». Donc il semble un petit peu perdu quand on retrace son parcours. Et puis finalement, il rejoint les autres terroristes qui sont cachés à Bruxelles. Et là, aux différents amis qu'il va croiser, il va donner des versions différentes parfois. Mais celle qui domine, c'est que sa ceinture d'explosifs n'a pas fonctionné. Et ça, ce sera sans doute... Beaucoup de questions vont être posées à l'expert en explosifs lors du procès en 2021, parce que l'expertise à ce stade n'a pas permis de trancher. Il y a un câble coupé. Est-ce que c'est lui qui l'a coupé ? Est-ce que vraiment ça ne fonctionnait pas ? On ne sait toujours pas. Et ce que vous dites concernant le contrat de location laissé dans la voiture, ça nous renvoie à ce mélange d'improvisation et d'action très préparée. Il y aura d'autres faits qui montreront ce croisement-là. Oui, alors par exemple, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai recollé les morceaux et refait ce parcours. Sur les cibles, bon, on sait depuis longtemps, la salle de concert, c'est quelque chose qu'ils ont en tête depuis longtemps, ça on le sait. Le Stade de France, ça n'a sans doute pas été choisi au hasard. Il y a ce match France-Allemagne, ils savent que le président de la République va souvent voir jouer l'équipe de France. Les terrasses, là on ne sait pas. Et par contre, ce même 13 novembre, vous avez deux des membres de la cellule de Bruxelles qui vont à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol. Oui. Peut-être en repérage, en tout cas on ne sait pas ce qu'ils vont y faire. Et puis à 18h, vous avez l'une des voitures des terroristes de Paris qui va à Roissy-Charles de Gaulle. Et là aussi, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Et on sait qu'ils avaient déjà envisagé d'attaquer un aéroport. Alors, encore une fois, moi, je me suis posé la question, est-ce qu'ils ont changé de cible au dernier moment ? Ces terroristes, alors je pose des questions auxquelles parfois on a déjà donné réponse depuis 4 ans, mais c'est la ligne éditoriale de cette émission-là, de revenir et reposer les questions pour qu'on comprenne bien où on est. Ces terroristes étaient connus des services antiterroristes français ou pas ? Ou certains oui, certains non. Ah bah oui, pour une bonne partie, ils étaient connus, parce que notamment les trois tireurs du Bataclan, qui sont trois Français, ils étaient connus au moins depuis leur départ en Syrie en 2013. Ils sont tous, à part Salah Abdeslam, est le seul qui n'est pas allé en Syrie. Donc, beaucoup étaient connus, mais les services antiterroristes ne savaient pas, pour ceux qui étaient partis en Syrie, souvent qu'ils étaient rentrés. Abdelhamid Abaoud, à l'automne 2015, il est devenu vraiment la hantise des services de renseignement. Donc, plus que connu. Ah oui, d'accord. On a une note déclassifiée au dossier judiciaire qui date de septembre 2015 et où la DGSE, le renseignement extérieur, indique que c'est devenu que sa neutralisation est devenue une priorité urgente pour le service. Ah oui. Mais par contre, et c'est ce que vont reconnaître les patrons du renseignement devant la commission d'enquête parlementaire, ils ne savent pas qu'il est sorti de Syrie, puisqu'il y a même des frappes de la coalition en octobre sur Raqqa, qui vise ce que j'ai appelé moi par facilité journalistique le bureau des attentats, ou ce que les magistrats appellent la cellule OPEX, c'est-à-dire cette cellule de djihadistes à Raqqa qui prépare les attentats en Europe, et ils ne savent pas qu'Abdelhamid est déjà en Belgique. Bien, alors, on va y venir, je voudrais qu'on parle d'un autre protagoniste, Sami Anhimour. Donc c'est un Français, fait partie des cinq Français, on est bien d'accord? C'est celui qui est abattu par les deux policiers de la BAC sur la scène du Bataclan. Voilà. Dans l'épisode 2 de votre série, vous revenez sur son parcours, et notamment son père. Alors qui est-il, ce Sami Anhimour? Quelles ont été les étapes de sa radicalisation? Ouais, c'est intéressant parce que vous avez employé le mot de monstre, et moi je ne sais pas ce que c'est qu'un monstre. En tout cas, c'est un monstre made in France. Il est devenu, on verra, mais c'est à l'origine un gamin tout à fait banal qui est né à Paris, a grandi en Seine-Saint-Denis, qui fait du judo, que ses parents amènent à la fête de l'UMA. À l'école, ça se passe plutôt bien. Il passe son bac littéraire, il s'inscrit à la fac, il ne va pas y rester très longtemps. Et c'est vrai que son père nous raconte comment il a assisté impuissant à ça. Alors il commence à s'intéresser au collège, à la religion, à faire la prière, et puis quand il a une vingtaine d'années, il le voit se radicaliser, passer beaucoup de temps sur Internet. Il cherche visiblement des repères sur Internet, et il va sur des sites djihadistes, complotistes. En même temps, c'est assez confus. Son père, qui essaie de dialoguer avec lui, est un peu perdu. Alors, une semaine, il lui dit qu'il admire Ben Laden, et puis la semaine d'après, il lui dit non, mais Ben Laden, c'est une création des Américains. Enfin, tout ça a été extrêmement confus, mais en 2012, il a quand même comme projet d'aller faire le djihad en Afghanistan ou au Yémen, et c'est pour ça qu'il est interpellé et placé sous contrôle judiciaire. Alors, vous interrogez le juge Marc Trévidic dans votre podcast et dans l'épisode 2. Parce que c'est lui qui l'a mis en examen. Voilà, à ce moment-là. Il va nous parler de Sami Anhimour et deux de ses acolytes, une sorte de portrait d'apprenti terroriste. Lui et les deux autres, ce sont des petits poussins, quoi, du djihadisme. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'aller faire le djihad, mais enfin, ils savent pas comment y faire. Ils ont aucun contact. Ils essaient d'avoir un visa pour le Yémen. Enfin, des choses complètement surréalistes. Et finalement, ils abandonnent, apparemment. Ils ont quand même fait un entraînement aux armes dans un club de tir parisien. Exactement, oui. Oui, effectivement. Ils s'étaient inscrits dans un club de tir. Ils ont fait 2-3 initiations. Comme beaucoup à l'époque, en fait, c'était un peu l'idée que on ne sait pas trop ce qu'on va faire, mais il faut se préparer pour le djihad éventuellement. Voilà, faut être prêt. Les poussins du djihadisme, devenu grand. Et là, Sami Anhimour rejoint la Syrie en 2013. On est bien d'accord. Est-ce que les terroristes du 13 novembre arrivent en Syrie à la même période? Alors, Sami Anhimour, les trois futurs tireurs du Bataclan, oui, ils y arrivent à l'automne-hiver 2013. Il y en a qui sont déjà là, c'est le cas notamment d'Abdelhamid Abaoud, qui est arrivé début 2013, il fait partie des pionniers. Et puis il y en a qui vont partir plus tard. Comme Bilal Hatfi, le dernier kamikaze du Stade de France, le plus jeune aussi de tout ce groupe, il n'a que 20 ans. Et Brahim Abdeslam, c'est intéressant. intéressant. Donc le grand frère de Salah Abdeslam qui s'est fait exploser au comptoir Voltaire, lui, il a fait un court séjour au début de l'année 2015. Et ça, c'était aussi une stratégie du groupe État islamique, mais emprunté à Al-Qaïda, parce que Mohamed Merah avait fait la même chose au Pakistan, c'était « Venez chez nous, mais pas longtemps, comme ça on espère que vous ne serez pas repérés. On vous forme extrêmement rapidement au maniement de la Kalachnikov, on vous met en condition, et vous rentrez chez vous en espérant passer sous les radars et commettre un attentat plus tard. » Bon, alors il y a le passage belge. La Belgique, vous racontez un événement étonnant, hein, l'enlèvement de petit frère d'Abaoud. Donc il est belgo-marocain, c'est ça ? Abdelhamid Abaoud, oui. Et c'est vrai que on vient de le dire, donc il part début 2013. Et pourquoi, pourquoi la Belgique a été le pays d'Europe à avoir fourni le plus de djihadistes en Syrie en proportion de la population de la Belgique ? Qu'est-ce qu'on sait, ça ? Moi, j'ai pas d'éléments de réponse définitif. Disons qu'il y a un terreau favorable qui est le même partout pour une bonne partie. Partie de ces jeunes, en tout cas, c'est soit l'échec scolaire, soit le fait d'être un peu sans perspective d'avenir, d'avoir un sentiment de discrimination. Bon, et puis après, il y a le rôle extrêmement important de la propagande djihadiste et de ceux qu'on appelle les recruteurs. Le recruteur, c'est celui qui va manipuler le discours religieux, qui est des gourous, donc qui va convaincre ces jeunes. Et puis, si en plus il a des contacts en Syrie pour leur faire passer la frontière et leur fournir une recommandation quand ils arrivent chez les djihadistes de l'autre côté, un seul recruteur peut faire partir des dizaines de personnes. Et à Molenbeek, par exemple, dont on a beaucoup parlé, la commune du Grand Bruxelles, d'où sont venus Abaoud, amis d'enfance de Salah Abdeslam, ils étaient voisins, il y a un recruteur très connu qui s'est montré très efficace et qui a été condamné à 15 ans de prison. Et ça, je pense que c'est un phénomène qu'on retrouve en Belgique, mais aussi dans des communes ou certaines régions de France. Et un point intéressant, c'est que depuis longtemps, il y a des échanges entre la mouvance radicale belge et française. La mouvance toulousaine, par exemple, dont était issu Mohamed Merah, et les frères Klein. Les frères Klein connaissaient très bien la Belgique. Alors, dans l'épisode 6 de votre podcast, on l'entend beaucoup de témoignages tout à fait saisissants, celui-ci. Et on va l'écouter, on va écouter un extrait, donc épisode 6. Vous revenez avec Omar Warman, donc grand reporter à France Inter, sur les intentions de ces djihadistes. Avant d'écouter un extrait d'une conversation entre Omar et un djihadiste français sur place en Syrie, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte de ces entretiens et le travail de notre confrère Omar? Alors, on est au début de l'année 2014. Il y a tout un groupe de Français et de Belges qui combattent dans la région d'Alep, dans la brigade des immigrés. C'est un groupe de combattants. Voilà, au début, il y avait beaucoup de Tchétchènes, et puis les Européens sont venus s'agréger, parce que les combattants se regroupent par affinité linguistique aussi. Hein. Même si ils sont souvent issus de familles d'origine maghrébine, la plupart, comme Sami Amimour, ils arrivent en Syrie, ils ne parlent pas arabe. Donc, dès le camp d'entraînement, il faut que certains copains leur servent de traducteurs, ils sont un peu perdus. Donc voilà, il va se constituer des bataillons francophones, comme cette brigade des immigrés. Donc c'est l'époque où, si vous voulez, le groupe État islamique n'est pas encore justement constitué comme un embryon d'État, et même d'État totalitaire, qui va devenir, qui verrouille sa communication. Donc ces djihadistes européens, ils postent des photos, des selfies sur les réseaux sociaux, ils se vantent, et puis ils essayent de faire venir leurs copains. Et c'est comme ça que Omar Waman, notre collègue, qui était à France Culture à l'époque, va rentrer en contact avec eux, réaliser des interviews terribles et prémonitoires. Oh oui. De la part de alors, notamment celui qu'on va entendre, c'est quelqu'un qui n'a pas participé aux attentats de Paris et de Bruxelles, mais qui était très proche de ces terroristes. En tout cas, oui, dans le discours, ses intentions sont claires. Ils ont eu peur de Mohamed Merah quand ils ont vu ce qu'il a fait. Mais des comme ça, il y en a des centaines et des centaines. Ça veut dire que nous, à l'heure d'aujourd'hui, on a des papiers européens. Moi, si je veux, je rentre en France et je fais tout péter. Tu vois? Ça, c'est la réalité. Je suis venu au djihad, j'ai une expérience. J'ai un an et demi dans les rangs des djihadistes. Un an et demi dans les rangs des extrémistes, comme ils appellent. Un an et demi de guerre. Un an et demi de guerre que je peux venir en France mettre au service de l'islam. Donc si vous, demain, vous survivez... Si vous survivez à ce qui se passe en Syrie, on sait que c'est la guerre. Si vous rentrez, votre objectif, ça sera de faire quoi en France? Si je rentre en France, franchement, je vais te dire la vérité. Si demain je rentre en France, mon objectif, ce sera de mettre la France à feu et à sang. Ce que je vais faire à la France, après avoir combattu face à des chars d'assaut, après avoir combattu face à des traîtres, à des chiens, à des gens qui n'ont aucune rahma, aucune pitié, si je rentre en France, je peux te dire que la France, ce sera un jeu d'enfant. Rappelez-moi la date de cette interview, la période. Février 2014. Terrible, hein. Tellement prémonitoire dans les paroles de cet homme et dans la parole d'autres comme lui. Et ça, on va le savoir assez vite, hein, parce que au moment où Omar réalise ses interviews, il y a déjà un Français qui rentre de Syrie, vraisemblablement pour commettre un attentat. Il a été condamné à 20 ans de prison. Et puis, quelques semaines après, il va y avoir la tuerie du musée juif de Bruxelles. Oui, alors parlons-en de l'attentat contre le musée juif de Bruxelles. Le terroriste est un revenant, il est revenu après sa formation. Il se nomme Mehdi Nemmouche, c'est ça? Oui. Il a été condamné à perpétuité. Lui aussi, il était dans cette brigade des immigrés. Ah, donc c'est le même profil que... Exactement le même profil. Il était celui qui en parle. Alors, il est, si vous voulez, même au sein des djihadistes, c'est un peu une caricature. C'est-à-dire, celui qui en parle le mieux, c'est Nicolas Hénin, l'ancien journaliste qui a été otage en Syrie. Et si vous voulez, lui, parmi ses geôliers, il avait Mehdi Nemmouche, le tortionnaire sadique. Qu'il décrit avec des rêves de haine et de violence, mais un peu incontrôlable. Et il avait aussi Najim Lachraoui, le futur artificier de Paris et futur kamikaze de Bruxelles, qui lui est beaucoup plus posé, qui ne porte pas la main sur les otages, beaucoup plus réfléchi, et c'est lui qui monte en grade au sein de l'État islamique. Et finalement, Mehdi Nemmouche, en mai 2014, quand il part assassiner 4 personnes à Bruxelles, on ne sait toujours pas s'il a été envoyé ou si son projet a été validé. À ce moment-là, en tout cas, on sait qu'il y a au sein du groupe État islamique des gens qui veulent faire des attentats en France et en Europe, ça c'est très clair, mais ce n'est pas encore la stratégie officielle. Quand ça va le devenir, en septembre 2014, après les premières frappes des États-Unis, la mise en place de la coalition pour stopper l'expansion du groupe État islamique en Irak, là évidemment l'organisation terroriste pour commettre ces attentats va s'appuyer à la fois sur les jeunes combattants dont on vient de parler, et aussi sur des vétérans du djihad, c'est-à-dire sur des gens qui ont plus d'expérience, qui ont un rôle plus important au sein de l'organisation. Et on va retrouver aussi des Français et des Belges, des gens qui étaient partis déjà combattre les Américains en Irak après l'intervention de 2003 et la chute de Saddam Hussein. C'est pas des gens qui sont dans le premier cercle autour du calife al-Baghdadi, mais ils ont quand même un rôle important, et c'est là qu'on trouve notamment le Belge Oussama Attar, le seul commanditaire formé identifié des attentats de Paris. Alors, avant le 13 novembre, il y a eu Charlie, bien sûr, le 7 janvier de la même année. L'une des conséquences de ces attentats, c'était l'assaut de la police en Belgique au sein de la cellule Verviers. On va écouter le procureur fédéral de Belgique, Frédéric Van Leuve, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Van Leuve. Van Leuve, voilà. Qui explique que dans votre podcast, le choix de donner l'assaut sur cette cellule au lendemain des attaques contre Charlie Hebdo. On a la cellule de Verviers sous contrôle. Et puis se passe l'attaque des frères Kouachi, les événements de l'hypercachère. Frédéric Van Leu, le procureur fédéral de Belgique. Nous avons plusieurs fois hésité à lancer l'assaut. Donc le signal de l'assaut a été donné une ou deux fois aux unités spéciales. Et puis après, on leur a dit de se replier. Ce qu'on entendait, c'est qu'ils, eux, regardaient la TV, évidemment. Donc, ils faisaient des commentaires par rapport à cela. Ils parlaient tout le temps de la capitale. Nous, on pensait que c'était Bruxelles. Apparemment, c'était plutôt Paris, la capitale. Et donc, on se rendait compte que ça pouvait être lié. Quel était le lien entre les attentats de janvier 2015 à Paris et le projet de Verviers? Aujourd'hui encore, on ne sait pas. Hamedi Coulibaly a échangé des messages avec un correspondant en Syrie qui n'a pas été identifié. Et nous avions aussi ce monsieur Abaout qui se trouvait à ce moment-là en Grèce. Et donc tout ça, c'était une opération très compliquée parce qu'il fallait aussi convaincre les Grecs d'intervenir. Il n'a pas toujours été évident, on n'a pas toujours eu la même version d'ailleurs les Grecs par rapport à ça. Mais à un certain moment, on est obligé d'intervenir parce qu'on risque de perdre le contrôle sur ces deux personnes si elles sortent de la maison et font quelque chose. Donc nous sommes intervenus à ce moment-là. Sarah Guibaudeau, rappelez-nous le contexte de ce qu'on vient d'entendre. J'en ai dit quelques mots juste avant, mais C'est intéressant parce qu'effectivement, au moment où la France a les yeux braqués sur Paris après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère, il y a en fait un attentat qui est déjoué en Belgique. Ces deux revenants qui ont été envoyés par Abaoud, qui veulent attaquer un commissariat ou enlever un policier belge pour l'assassiner, on ne sait pas très bien. La police va intervenir. Et Abaoud Abaoud, lui, se trouve à ce moment-là en Grèce, d'où il coordonne l'opération. La police grecque est envoyée, mais trop tard, il s'échappe, il retourne en Syrie, et c'était un coup d'essai. Bien, bravo encore, Sarah, pour ce travail. Merci, alors, il est facile à trouver maintenant, il est en ligne depuis ce matin. Il est téléchargeable, 9 épisodes, sur le site franceinter.fr ou sur toutes les applications de podcast. Et voilà, et quand on va sur la page France Inter, de toute façon, il se voit comme le nez au milieu de la figure, et c'est normal, c'est le premier jour, il est sur la page d'accueil. Donc j'encourage vraiment nos auditeurs à écouter cela tranquillement, en prenant son temps, parce que c'est ça aussi l'avantage du podcast, hein. C'est qu'il n'y a pas de format. L'avantage, c'était d'avoir en tout cas un format long, et des réalisateurs. Pas trop formaté, parce qu'on pouvait voilà mettre. Et puis voilà, au-delà de l'enquête, il y a effectivement un travail assez exceptionnel sur le son, ce qui en fait un beau produit radiophonique à écouter. Et c'est vrai que ça, c'est grâce aux réalisatrices Fanny Boyon, Anne-Sophie Ladonne et Céline Hilla qui se sont succédées sur les 9 épisodes et qui sont les magiciennes du son de France Inter. Quant à moi, je dis réalisateur, triste bien sûr. Merci infiniment, Sarah Guivaudot. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les attentats du 13 novembre, l'émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Ça en fait du podcast, hein. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles pour toute information complémentaire à notre émission. D'ailleurs, vous retrouverez les biographies de toutes les personnes citées dans le récit sur la page de l'émission Affaires Sensibles. Merci à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui.